J'aurais bien aimé avoir la première partie de ce que je t'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, donc voilà ce que je voulais te dire et te confirmer que bah, j'ai pas envie que nos relations aillent dans ce sens-là, si tu veux. Voilà. Oui. Bon, voilà. D'accord. Bon, ça... je suis désolé de cette. Je m'en doutais un petit peu, parce que, en fait, comme depuis que je t'avais envoyé ce petit mot sur PDF, en fait, je n'avais plus de contact avec toi, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai encore écrit quelque chose qui n'allait pas. Bah, ouais, mais. C'est... Alors, est-ce que c'est ta nature de rester. De vouloir rester un peu au-dessus de la mêlée, quoi, à un moment donné, bon, ben, il faut... t'as dit des choses qui n'allaient pas, mais je pense que c'est ton naturel à toi, ça, c'est ta façon de fonctionner. Moi, la mienne, c'est d'être entier, et bon, ben, et quand les choses vont pas, ben, il faut que ça sorte, il faut que ça soit dit, quoi. Mmh. Ben, mais je le fais de vive voix. Je ne t'écris pas. J'aurais pu t'écrire à la réception de ton PDF et te dire verbalement ce que je viens de te dire là, maintenant. Mais non, je pense que la nature de nos rapports, que j'apprécie au demeurant, si tu veux, parce que j'apprécie de discuter avec toi, parce que si je n'appréciais pas, je ne passerais pas autant de temps que ça devant mon écran à causer avec Skype. Donc... voilà, mais je pense qu'il faut que tu descendes un peu, quoi. Bon, je vais essayer. Mais avec tout le monde, et je pense qu'avec les autres, c'est un peu la même chose. J'en sais rien, ce que pensent les autres, mais bon, je pense que la mésaventure que nous venons d'avoir, je pense pas qu'avec moi que ça se passe. Oui. Si, je me trompe. Ça se passe différemment avec les uns et les autres. Maintenant, de là à faire, j'irai une introspection pour voir comment, dans les 20 dernières années, les choses se sont passées. C'est pas ce que je te demande. C'est pas du tout ce que je te demande. Je te dis, voilà, à aujourd'hui, ayons la bonne façon d'avancer ensemble, toi et moi. Je te parle que de toi et de moi. D'accord. Voilà. Bon. Et moi, tu comprends à travers mes observations qu'il y a des limites vers lesquelles je ne peux pas aller, quoi, parce que ça dépasse mon entendement. Et ce n'est plus dans le domaine du supportable, si tu veux. Ça m'a été profondément insupportable. J'en suis désolé. Voilà. Bon. Excuse-moi alors. Mais je t'en prie. Allez, on repart maintenant sur... ça, je vais le fermer. On va repartir maintenant sur le questionnaire, sachant que sur le site, comme je te le disais il y a quelques minutes, tu n'avances pas, tu ne veux plus avancer, tu quoi ? Bon, j'ai rajouté quelques petites choses entre hier et aujourd'hui. Pas beaucoup. J'ai pas trop vu, ouais. Je sais pas trop comment m'y prendre. Moi, j'étais plutôt sur les questionnaires. D'accord. Il y a deux personnes qui se sont rajoutées, dont d'ailleurs l'imam. Donc qui ? Bon, je t'avais parlé d'un imam musulman. Ah oui, très bien, c'est intéressant, c'est ça. C'est Hassen Bakoucha, donc il est dedans, et puis une ancienne collègue qui est dans les arts appliqués aussi, et qui... D'accord. Voilà. Est-ce que ça vient modifier... parce que quand tu dis qu'ils viennent s'inscrire, ils ont répondu au questionnaire ou... Oui, ils ont répondu. Et est-ce que ça modifie sensiblement le questionnaire ou pas ? Ça fait remonter un petit peu dans, dans le côté spirituel, on pouvait s'y attendre, voilà. D'accord. Bon, ça en rajoute sur les grands thèmes, hein, la vie qui a du sens, là forcément, ils sont d'accord avec. D'accord. C'est juste dans d'autres, ils sont pas tellement dans le jardin avec carottes et patates, ils sont d'accord. Dans un autre domaine. D'accord. Et puis, on pourrait se douter qu'en art appliqué, créer, imaginer, etc., ben forcément, Elle a coché ça. Bon, ça ne modifie pas énormément. Ça modifie pas énormément. Disons que ça élève un petit peu la chose. Le débat. Ce qui me paraît important. Bon, alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ensemble aujourd'hui? Moi, c'était pour savoir si on arrive à se mettre d'accord sur les questionnaires. Voilà. D'accord. Alors, ça fait déjà 3 semaines maintenant que j'ai quelques contacts de façon épisodique et avec certaines personnes, mais il y en a d'autres, il n'y a rien, quoi. Il faut relancer un peu la machine. Tout à fait. Bon, alors, si tu veux, si je reprends la genèse de ton questionnaire numéro 2, tu m'as dit que tu voulais travailler en son temps d'arrache-pied dessus pour justement relancer la machine. Bah, oui. Et sur ce, je t'ai écrit en te donnant ma façon de penser. Après coup, ce week-end, toi, samedi et dimanche, tu m'as de mémoire donné des nouvelles que dimanche soir ou lundi matin. Lundi matin. Ouais, lundi matin. Bon, donc je me suis dit qu'il y avait moins urgence que ce que tu nous annonçais quelques jours au préalable. Voilà, bon, j'en suis là. Alors, maintenant, je reprends, moi, ton dernier mail où tu m'envoies le questionnaire numéro 2 et le questionnaire numéro 3. OK ? Oui. Bien. Alors, je relis avec toi les éléments que tu m'as envoyés. Et on va tâcher de se mettre bien d'accord sur un principe. Bon, moi, je t'ai donné mon sentiment. Mais le boss, c'est toi. Bon. Donc, je respecterai ton approche, et même si je ne la partage pas tout à fait, et quand je ne la partage pas, ben, je vais te le dire là maintenant. Nous sommes d'accord? Oui. Ok. C'est bien ça que tu attends de moi? Oui. D'accord. Ok. Alors, questionnaire numéro 2, le préambule. Alors, moi, dans le préambule que je fais, je serais tenté de dire restons dans le continuum, et c'est ce que je crois t'avoir écrit aussi, restons dans le continuum du questionnaire numéro 1. Dans le continuum du questionnaire numéro 1, tu ne parles pas du coronavirus. Pouvons-nous continuer à mieux ainsi à penser, etc., le temps du confinement, ce serait bien. Bah, ok. Bah. Moi, à mon sens, la logique des choses veut que, si tu veux, quelqu'un qui reprend ces éléments les uns derrière les autres trouve un continuum. Dans la mesure où tu parles dans le préambule du coronavirus, on n'est plus tout à fait dans le continuum. Par contre, on retrouve ce continuum dans la présentation. Nous vous proposons, etc., de développer les réponses majoritaires, etc. Ça, c'est bien. Tu dis, voilà, on vous tient au courant de ce que vous avez dit dans le questionnaire numéro 1. La partie en italique tente une phrase de synthèse. Ça me paraît bien, parce que c'est pertinent. Vous pouvez le faire avec des idées, etc. Bon, moi, si tu veux, ta présentation, pour moi, c'est un préambule, quoi. D'accord. Tu mettrais la présentation en préambule. Oui, voilà. D'accord. Hein? J'acquiesce et je le fais immédiatement sur le mien. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Alors. Je te laisse à la manœuvre, parce que moi, je relis et voilà, je dis à voix haute ce que je vois. Ensuite, présentation, c'est fait. Alors, 1, pour vous, jardin, etc. Alors, R1 moins 1, si tu veux, R2 moins R2 1, R, ouais, voilà. Bon, oui. Ça, je ne le mettrai pas, si tu veux, parce que ça ne fait que... Bon, les gens ne comprennent pas, quoi. Ils ne savent pas de quoi tu parles. R1, tu comprends ce que je veux dire? Bon. C'est la réponse. Oui, j'ai bien compris que c'est la réponse. Oui. Ou alors, tu dis nommément réponse. Vous avez répondu, tu vois? Alors, lieu de bien-être et de sérénité, plus méditation, plus se promener, égale 97%. Ou alors tu dis, égale 97% de vos réponses. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ou alors 97% de vos réponses correspondent à un lieu hors de contraintes et du temps. Ok. D'accord. Lieu pour découvrir et s'émerveiller de la nature, 43%. Nous rapproche de la nature. Alors, attends. En fait, la partie en italique peut se lire en une seule phrase. Un lieu hors des contraintes et du temps, nous rapprochons de la nature. Complètement. Eh bien, c'est peut-être ça qu'il faut dire. C'est peut-être ça qu'il faut dire. La majorité de vos réponses entendent que vous souhaitez que... Vous pensez que le mot jardin signifie pour vous hors des contraintes et du temps et que ça nous rapproche de la nature. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Toi, reste dans... La partie en italique, quoi. Ouais, non, parce que je reste dans ta logique. Tu as fait une synthèse qui me paraît à la fois honnête et pertinente. Eh bien, garde-la ta synthèse, sans parler de la réponse 1 ou de la réponse 2, etc. Voilà. Mais est-ce que je mets les pourcentages? Bah, justement, j'étais en train de réfléchir. Ouais, moi, non. Où est-ce que, ou alors, où est-ce que je cale quelque part dans le site les réponses au questionnaire telles qu'elles ont été données, quoi, avec les pourcentages. Et ils iront chercher, s'ils demandent la question, je peux comme ça fournir directement les pourcentages, quoi. Mais peut-être que là, il n'y a pas besoin... Oui, alors à ce moment-là, on peut très bien... le dire dans le préambule ou la présentation, ça, ce que tu dis là. Ouais, ça me paraît bien ce que tu dis. Parce que effectivement, celui qui sera un peu tatillon, pointilleux, machin, etc., qui a simplement envie d'aller plus loin, de savoir ce que pensent ses congénères, hein, un peu curieux comme nous, on l'a été quand on a fait le questionnaire. Mmh. Ouais, ça c'est bien. D'accord, ça. D'accord, donc je rajoute une phrase en disant « Ceux qui voudront avoir le plus de détails pourront... à suivre le lien, quoi. En donnant le lien, ils pourront y aller. Oui. Le lien à la page correspondante. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça, tu le mets, à mon sens, dans préambule et présentation. C'est ça. Hein, dans l'un ou l'autre, tu vois. OK ? D'accord. Alors, maintenant, on arrive à l'essentiel. Pour vous, un jardin signifie plutôt quoi ? Que pouvez-vous imaginer pour créer un tel espace de bien-être ? La nature y est-elle essentielle ? Et quelle nature ? Et quelle nature ? Et ça, ce sont des phrases qu'on a choisies la fois dernière, ensemble. Ah, mais je ne discute absolument pas. J'étais, moi, si tu veux, tout ce qui est en rouge, je cautionne complètement. D'accord. Hein ? Non, je suis toujours, quand je relis ça, à me mettre à la place... Du gars ou de la femme qui se retrouve devant ça. Et de savoir, parce que là, on est bien d'accord qu'on laisse un champ libre à l'expression. C'est ça. D'accord. Alors, j'étais à la nature y est-elle essentielle et quelle nature ? À mon sens, là, il faut peut-être un peu guider. Quelle nature voyez-vous ? Quelle nature vous représentez-vous ? Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ok. Hein, c'est juste... Pour suggérer quelque chose de concret, quoi. Oui. Quelle nature ? Oui. Ben, on est dans le jardin. Oui. Hein ? Ok ? D'accord. Allez, au point 2. Pour vous, merveilleux signifie plutôt quoi ? Alors, attends, c'est moi... Les R de l'un. Ouais, voilà. Non, mais attends, il faut. Pour moi, il faut les. Bon, tu ne les enlèves pas. Je les garde parce que c'est quand même ce qui est en rouge, le corollaire de ce qui est au-dessus, quoi. Tu vois pas ? Oui. Il faut rester cohérent. Attends, c'est moi aussi, attends, c'est pas de mer. Pour être saisi, donner des centaines et mettre en marche. D'accord. Pouvez-vous développer votre notion de merveilleux ? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ce qui vous saisit et qui vous met en marche. Alors, là, je pondérerai cette affaire-là, parce que tu es un peu tendancieux. J'entends par là, pouvez-vous développer votre notion de merveilleux ? Entre parenthèses, tu dis, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ? Ce qui vous saisit, ce qui vous met en marche. Est-ce que ça voudrait dire que le merveilleux, pour toi, c'est ce qui donne du sens à la vie ? C'est ce qui va me saisir ? Ou c'est ce qui va me mettre en marche ? Parce que si c'est ça, c'est un peu compliqué pour moi. Hein. C'est une dissertation. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Mais si tu veux, parce que tout ce temps de réflexion que j'ai eu depuis la semaine dernière, grâce à toi, et même avant, depuis qu'on se connaît, je te demande de comment tu définis ce mot merveilleux. Comment toi tu le définis? Ça a été même la première question que je t'ai posée quand on était chez moi autour d'un verre. Je t'ai dit, mais merveilleux, c'est quoi pour toi? Et j'ai bien vu qu'à ce moment-là, tu avais un petit peu de mal à répondre. Alors peut-être que je t'ai mal compris. Peut-être, bon, il peut se passer des tas de choses. Mais depuis, tu as avancé dans ton merveilleux à toi. Qu'est-ce que c'est ton merveilleux à toi? Je dirais le problème là-dedans, c'est que mon merveilleux à moi correspond en fait à une approche du divin. D'accord. Or, ce n'est pas la majorité des réponses. Eh bien, bien sûr. Et oui, non, mais alors attends. Et bien sûr que ce n'est pas la majorité des réponses. Et c'est ce qui donne, entre guillemets, du lot à mon moulin, de l'eau à mon moulin, en disant, voilà, n'allons pas trop vite, parce que le divin, on n'y est pas encore. Oui. Il faut des étapes. Et c'est pour ça que je te disais, je t'exhortais à rester, pas au ras des pâquerettes, on peut élever le débat, mais à rendre... restons encore dans l'opératif, quoi, avant d'être dans le spéculatif. Mais justement, quand on parle de sens à la vie et ce qui saisit et ce qui met en marche, c'est déjà opératif, ça. Eh bien oui, c'est déjà opératif. Mais quand tu demandes aux gens qu'est-ce qui donne du sens à votre vie, tu les laisses dans l'opératif, là. Hein, qu'est-ce qui vous saisit? Qu'est-ce qui vous met en marche? Si tu veux, moi je ne fais pas le corollaire entre le mot merveilleux et ce qui donne du sens à ma vie, ce qui me saisit et ce qui me met en marche. D'accord, toi tu penses qu'il ne faudrait pas mettre le détail? Je pense qu'il faut laisser à chacun donner son avis au mot merveilleux, de savoir qu'est-ce qu'il entend par le mot merveilleux. D'accord. Et là... Très rapidement, parce que si tu veux, quand je te disais que tu étais tendancieux tout à l'heure, parce que je vois bien qu'à travers ce que tu as mis entre parenthèses, tu veux y amener ton auditoire, mais laisse l'auditoire y venir. Laisse l'auditoire y venir. Et on revient là, et je m'excuse, je rabâche à nouveau, mais si tu persistes à vouloir faire un troisième questionnaire, qui, lui, est vraiment très opératif, si tu persistes à faire ça, à mon sens, tu vas embrouiller ton auditoire. Alors que là, tu as le moyen d'y arriver, sans même... excuse-moi. Tu n'as même pas besoin de faire un questionnaire... Attends, tu m'excuses? Oui. Monsieur Morin, bonjour. Oui, ça va, je suis en conférence là pour l'instant. Vous avez vu mon message? Bon, je mets tous les documents dans le courrier qui va partir demain, avec tous les risques que ça comporte, hein, parce que vous savez que le courrier... Ah, je peux vous les scanner. Ah, bon, écoutez, la lettre, elle est faite. Bon. Ouais, ok. Mais une question, le compte est ouvert ou pas? D'accord. Bon, vous pouvez me rappeler demain, là, je discute de deux, trois choses avec vous. Hein? Rappelez-moi demain matin, fin de matinée, vers environ 11h30 par là. Hein? On fait comme ça? Allez, au revoir, monsieur Morin, merci. Oui, si tu veux, pour moi, dans ma vision des choses, mais encore une fois, je te l'ai dit d'entrée de jeu, je respecterai tout à fait ton approche. Mais je te dis, là, ce n'est plus la mienne. Alors, et pour argumenter mon propos, là, j'y suis là-dessus, là. Tu m'as donné de l'eau à mon moulin sans même que je te le demande, si tu veux, avec la notion du merveilleux, quoi. Je sais pas, question. Parce que, donc, je relis, hein. Point 2. Pour vous, merveilleux signifie plutôt quoi? Et alors, tu vas redire. Pouvez-vous développer votre notion du merveilleux? C'est un peu redondant. D'accord, une redite, oui. Hein? C'est un peu redondant. Et puis là, pour mieux te faire comprendre, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie, ce qui vous saisit, ce qui vous met en marche? Alors, quand je te demande ce que tu veux dire par là, bah, tu me dis, bah, je mets ça parce que faut pas que j'aille trop vite, etc., etc., sachant que moi, mon merveilleux. Quand je t'en demande la définition, c'est du divin. Tu vois la dichotomie? Mais en fait, là, quand on a posé la question pour vous, merveilleux signifie plutôt quoi, on avait posé en fait des réponses toutes faites. On avait Oui, juste à cocher. tout à fait, tout à Alors que là, fait. il s'agit de développer. Et complètement, complètement, complètement, complètement. En fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que si on ne donne pas De direction. de direction, ça peut aller dans tous les sens. Ah, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et si on fait ces questionnaires, c'est pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Alors, déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un principe que un questionnaire numéro 3 viendrait embrouiller les choses? Pour moi, c'est pas évident, mais bon. Toi, c'est pas évident. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ces questions de pratique Oui. d'engagement? Où c'est une question que tu poses? Ben oui, Où est-ce c'est que ça. tu vas Moi, pouvoir les mettre? je me suis posé la question ici parce qu'en fait, on demande de développer. Il y en a qui vont prendre du temps à développer ça, alors que les questions pratiques, elles peuvent être réglées en deux coups de cuillère à peau, quoi, pour eux. Eh bien, ça, c'est pas si simple. Alors. C'est pas si simple. Eh oui, parce que. Eh oui, bon. C'est pas. Attends, je regarde un truc. Non, je pense que. Je reste toujours dans ma logique, hein, et si on ne la partage pas, si tu ne la partages pas, bon, ben, ok, ça sera entendu, mais je défends ma cause. Je vais au point 6, m'engager. Est-ce que sur le point 6, m'engager, j'ai pas là la possibilité de revenir au ras des pâquerettes et me Alors, dire. c'était une question en fait, que j'avais posée. M'engager, moi je faisais un questionnaire à part. C'est-à-dire, je m'engage, oui, toc, on a le lien pour aller vers le questionnaire numéro 3. Et sans ça, on met les questions en fait à la suite de m'engager. Moi, je serais plutôt là, si tu veux. Parce que, regarde bien, mais dans la psychologie de celui qui répond, tu lui poses quand même quelques questions qui méritent réflexion. C'est pas un truc Pouvez-vous développer cette notion du merveilleux? C'est pas forcément quelque chose de très simple à répondre. Donc, il va mouiller la chemise, le gars. D'accord? Le bonheur, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde ne réfléchit pas tous les jours sur les mots merveilleux, bonheur, etc. Donc, là, psychologiquement, le gars mobilise son énergie là-dessus. Après coup, tu lui dis, est-ce que tu as envie de t'engager? Ben, si le gars, il a monopolisé son énergie là-dessus, il y a de grandes chances qu'il te dise oui. Alors, vous avez envie de t'engager? Ok. Mais comment? Et puis là, tu déroules. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, toi, tu le mettrais dans le 2. Ouais. Il n'y aurait pas de 3 pour moi. Ça me convient aussi, sauf que je me place aussi à la... Je vais me placer à la place de Sylvie, qui a répondu et qui va continuer de répondre là-dessus. Les premières questions, elle va se dire, oh là là, mais ça prend la tête, ce truc-là. Sylvie. Oui. Ah, quand tu lui parles comme ça, elle se prend la tête. En la matière, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Si on lui donne pas des réponses, c'est oh là là, ça va nous prendre la tête. Et je devine que d'autres vont être dans le même cas. Alors qu'un questionnaire numéro 3 qui est très simple sur l'engagement, ça permet de répondre aux 3 même avant et de prendre un peu plus de temps pour répondre aux 2 après. Ouais, d'accord. C'était un peu la façon de... Ouais, mais ça c'est quelque chose que je comprends bien. Bah alors à ce moment-là, il faut mettre le 2 avant le 3 avant le 2. Si je reste dans ta logique, tu veux pas décourager les bonnes volontés. Tu veux pas décourager les bonnes volontés qui veulent pas rentrer ces bonnes volontés, qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, et qui sont pas forcément inscrits dans une démarche spéculative. Oui. Ah. Maintenant, toi, tu mettrais le 3 avant le 2. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je mettrais le 2. Le 2 et le 3 consécutivement. Mais je me mets dans la place, parce que c'est intéressant le cas de figure que tu donnes, parce que je pourrais te dire que j'ai la même à la maison. Pourquoi Michaela n'a pas trop envie de s'engager là-dedans? Ben parce que le merveilleux, le bonheur, etc. Bon, j'ai le bonheur, ça va, elle a des choses à dire. Le merveilleux, c'est un peu moins clair pour elle, quoi. Bon, voilà. Et donc, elle dit, bon, ben voilà, face à ça, moi, je ne vais pas plus loin, je bloque. Hein. Chose que je te disais tout à l'heure. Oui. Maintenant, pour être opératif, elle dit pas forcément non. Hein. Elle dit pas forcément non. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai la même à la maison. Et bon, alors... Mais est-ce que, et là je te renvoie un peu la balle, tu connais un peu ton auditoire, tu sais ce qu'ils ont dans le ventre tous, et tu sais jusqu'où peut-être tu peux les amener, et par quel chemin? Alors est-ce qu'on prend le chemin de droite opératif, ou le chemin de gauche spéculatif, ou on fait une voie du milieu qui est la synthèse des deux? Je dirais que pour ceux, il y en a déjà qui ont répondu non. Or, on va quand même leur envoyer le questionnaire. Mais ils ont répondu non, pourquoi? Souvent, parce que quand je t'ai posé la question, tu m'as dit, ils sont éloignés. 1000 bornes, bon. Oui, il y en a qui sont. Oui, il y en a pas mal qui sont éloignés. Voilà. Et puis ils sont dans d'autres choses. Oui, voilà. En l'état actuel, ça les intéresse parce que ça les interpelle. Mais de là à y passer du temps, ça sera peut-être pas trop là. Voilà, tout à fait. Mais pourtant, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est de poser la même question, la question de l'engagement, à la suite de quelque chose qui est spéculatif, C'est de poser la question à des gens qui ont déjà décidé de ne pas s'engager. On revient un peu à la charge. Ouais, c'est pas grave ça. Tu sais, je pense que il faut expliquer longtemps pour qu'on comprenne vite, hein. Et puis, tu as quand même pas mal d'exemples autour de toi en ce moment qui... Ouais, je sais pas. Non, moi, ça me choque pas. Oui. Ça, moi, ça ne me choque pas. Mais c'est toi qui connais tes ouailles. Voilà, ça, je ne vais pas aller au-delà de ça. Mais moi, je ne suis pas choqué. Ou alors, tu as une autre approche qui pourrait, en restant dans les grands thèmes du jardin, du merveilleux, du bonheur, du jardin merveilleux, d'aborder en même temps le spéculatif et l'opératif. Comme ça, tu peux un peu noyer le poisson par rapport... à la fois, tu peux noyer le poisson, à la fois, tu peux... permettre à quelqu'un de changer d'avis et de passer du dire au faire, quoi. Moi, j'aurais tendance, et il me semble que c'est ce que je t'ai écrit, à avoir un merveilleux opératif et spéculatif. Ça, c'est le merveilleux opératif. Je suis un peu... Je sais pas. T'es dubitatif. Je suis dubitatif. Ah oui, non, mais je le vois bien. Je le vois bien. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, Philippe, tu as fait ton chemin. Et on a déjà eu cette discussion la dernière fois, celle d'avant. Tu as fait ton chemin, et dans ton chemin, vers le divin, hein, tu as fait ton chemin et tu derrière toi, tu en as déjà entraîné quelques-uns. Et c'est ces quelques-uns qui t'amènent à dire, voilà, est-ce qu'on peut aller au-delà de quelques-uns et être un petit peu plus nombreux. Mais moi, encore une fois, je te dis, voilà, mettons un pied devant l'autre, step by step. Et regardons comment on peut grimper dans cette affaire-là, tranquillement. Et puis, tu vas bien voir si tu en perds. Combien tu vas en perdre? Tu sais que tu en as à peu près 25 qui te suivent aujourd'hui. Combien tu en auras au terme de ton questionnaire? Oui. Mais, à mon sens, il faut passer par là. Quelle que soit la méthode d'approche, si tu veux, mais il faut que tu saches sur qui tu peux compter. Oui, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est pour ça que j'avais fait le questionnaire 3. Ouais. Moi, le problème, c'est de mettre à la fois l'opératif et le spéculatif dedans, ouais. Dans le même. D'accord. Bon. Ça, c'est... J'ai du mal. Bon, alors, écoute-moi. Oui. Le boss, c'est toi. Moi, je t'alerte sur des choses qui me paraissent sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Bon, mais ça, c'est mon sentiment. Mais le patron, c'est toi. Mais à un moment donné, quand tu écris « Pouvez-vous développer votre notion de merveilleux ?» entre parenthèses, « Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ?» etc., etc. Que je te pose la question de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ton merveilleux à toi, que tu me réponds, c'est le divin? On est loin de qu'est-ce qui donne du sens à votre vie, etc. C'est pour ça que moi, je laisse champ libre. Pouvez-vous développer votre notion de merveilleux? Et là, eh ben, chacun, il va de sa plume et on va bien voir ce qui ressort. Je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. On est d'accord? Ça. Oui. Allez, pour vous... Le bonheur est plutôt une vie qui a du sens, une énergie, un souffle qui crée de la nouveauté. Comment ce bonheur... Alors, pour vous, le bonheur, c'est plutôt... Comment ce bonheur, le sens de la vie et le verbe aimer pourrait-il s'exprimer dans un jardin? Pourquoi? Ah oui, c'est une vie qui ait du sens, aimer et être aimé. Voilà. Une énergie, un souffle. Non, j'essaye de raccorder tout ça, moi. Parce que toi, tu le fais dans une phrase. Mais bon, quand je lis ça, comment ce bonheur, le sens de la vie et le verbe aimer pourrait-il s'exprimer dans un jardin? Alors, c'est comment votre bonheur. Parce que on n'a pas tous le même bonheur. Oui, alors on est votre, mais en fait déjà dans la question, c'était pour vous le bonheur, c'est plutôt... Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, je continue, voilà. Ben, oui. Comment votre bonheur, le sens de la vie, alors, comment votre bonheur, le sens de la vie, alors attends, c'est le sens de la vie... Ah oui, une vie qui ait du sens. Comment votre bonheur, virgule, une vie qui ait du sens. Tu vois ce que je veux dire? Je reste... Il y a un problème de conjugaison là. Hein? Comment votre bonheur, une vie qui ait du sens et le verbe aimer pourrait-il s'exprimer? Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de... Non? De lecture, voilà. Comment votre bonheur... Ah oui. De reprendre ce qui a été écrit pour... Voilà. Attends, j'ai mieux ça encore. Comment votre bonheur, le sens de votre vie, et le verbe aimer pourrait-il s'exprimer dans un jardin? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que d'abord, tu recoupes les réponses qui ont été faites, et puis tu les forces à mouiller un peu la chemise, là. Donc là, en fait, on a mis votre bonheur et le sens de votre vie. Voilà. Et le verbe aimer. Oui. Bah. Oui, ça me convient. Mais ça, c'est intéressant. Je pense que ça, cette question-là, il faut la bichonner. J'anticipe, hein. Il faut la bichonner, cette question-là, parce que autant là, tu leur parles de choses qu'ils vont comprendre, qui vont même les toucher, plutôt que le merveilleux. Hein. Pouvez-vous développer votre notion de merveilleux? Là, ça va être... Là, je serais curieux de voir les réponses. Hein. Et les réponses sont compliquées. Autant que là, on parle d'eux. Mmh. C'est eux qui parlent, c'est eux qui ont vécu, c'est eux qui ont eu ce bonheur, c'est eux qui aiment ou qui ont aimé. Et ça, c'est bien. Ouais. Moi, ça me va bien. Hein? Non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Moi, ça me convient. Enfin, je me situe aussi dans le fait que ce questionnaire, il va rester ouvert. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie d'y revenir et de remplir une rubrique qu'il a laissée pour compte parce qu'il avait plus de choses à réfléchir, il peut. Il pourra, en fait. Puisque là, c'est de l'expression, on ne va pas faire de la comptabilité statistique. Ah, complètement. Voilà. Donc, il peut revenir dessus. Oui, et pourquoi... Et qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? Parce que quand tu posais la question, tu avais quoi derrière la tête? Non, en fait, là-dessus, c'était que, pour moi, si j'avais à remplir ce truc-là... Je crois que un jour, je ferai la question 1, un autre jour, la question 2, puis encore un autre jour, la question 3, parce que pour ne pas, trop mélanger les pinceaux, quoi. Voilà. D'accord. pour se concentrer un petit peu et pour pouvoir y réfléchir pendant la journée et la nuit. En gros, c'est ça. D'accord. Et c'est vrai que chaque question, c'est intéressant. Moi-même, je vais y répondre, parce que ça m'intéresse vachement. Mais je sais que j'y répondrai comme ça, il me faudra 24 heures. Oui, tout à fait. Bon, ok. Alors, pour vous, jardin merveilleux signifie quoi? Alors, pour vous, jardin merveilleux signifie plutôt. Qu'est-ce qui vous interpellerait et vous émerveillerait dans un tel jardin? Alors, moi, je ne poserai pas la question comme ça. Pour vous, jardin merveilleux signifie plutôt. Qu'est-ce qui vous interpellerait et vous émerveillerait dans un tel jardin? J'essaye de faire de la cohérence, hein, tu vois? Et là, je bloque un peu. Okay. Oui, en fait, là aussi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que dans un jardin, pour vous, jardin merveilleux signifie plutôt on est en vision. Et qu'est-ce qui vous interpellerait et vous émerveillerait dans un tel jardin? On est déjà dans un jardin déjà fait. Les choses sont déjà faites. En gros, c'est ça. Alors que dans un, c'est on va le faire. Là, la question suppose que la chose est déjà faite. Ouais, mais il y a un problème de conjugaison là. Alors, jardin merveilleux signifie plutôt on est au présent. Qu'est-ce qui vous interpellerait, vous émerveillerait dans un tel jardin? On est au futur. Conditionnel. Ou au conditionnel. Oui, non. Non, je ne sais pas. Bon. On est au conditionnel là? Qu'est-ce qui vous interpellerait? Oui, parce que sans ça, c'est interpellera. Là, c'est vrai, c'est... Ah oui, tout à fait, oui, bien vu, bien, ouais, je ne suis pas un champion, je ne suis pas un champion de la conjugaison. Bon. Parce que si tu dis ça, là, qu'est-ce qui vous interpellerait et vous émerveillerait dans un tel jardin? Là, 9 chances sur 10 pour qu'il retombe au niveau des pâquerettes. Ah, mais c'est sûr. Et que, en fin de compte, il te dirait, ben voilà, je veux des cabanes pour mettre des chèvres ou des niches pour les oiseaux. Oui, alors qu'au-dessus, la phrase de synthèse, c'est que c'est déjà un lieu qui élève. Voilà. Donc on est au-dessus des pâquerettes, on n'est pas au ras des pâquerettes. Non, mais on est bien d'accord que ça, on l'a supprimé. De quoi? Les R4-1 et les R4-2. Oui. Donc ça, ils ne l'ont pas. Alors, faut peut-être le réintégrer. Dans ta question, pour vous, un jardin merveilleux signifie... Un lieu qui élève, dans l'originalité, inspire le respect. Tu vois comme quoi c'est compliqué. Parce que toi qui étais à dire « je préfère être dans le spéculatif avant l'opératif », là, à travers cette question-là, tu retournes toujours dans l'opératif. Hein. Là, c'est typique. Là, c'est vraiment l'opératif. C'est ce que j'aurais répondu, en tout cas. Hein. Ça serait de l'opératif. Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est ça qui représente pour toi un jardin merveilleux? Et pour l'autre aussi? C'est pas cohérent. Il y a un truc qui me gêne. Pour vous, jardin signifie quoi? Boum, et là, on est quand même mi-opératif, mi-spéculatif, mais on a une tendance à être spéculatif. Pour vous, merveilleux, là, bon, la notion de merveilleux, on tend plutôt vers le spéculatif. Le bonheur, là, on est à coup sûr, parce que c'est facilement compréhensif, dans du spéculatif, mais un spéculatif accessible à chacun. Et maintenant, on est au jardin merveilleux, qui est la synthèse des deux. Et là, on retombe dans de l'opératif. On fait un peu un tango de l'un vers l'autre, non? Alors, on avait un peu ça dans les... je dirais une certaine redondance, même dans le questionnaire numéro 1. Je suis d'accord. Ce qui permettait de faire des recoupements, de dire, c'est cohérent. Quoi. Voilà, il y avait des choses qui étaient... Tout à fait, c'est ce qu'on s'était dit à ce moment-là. Oui. Bon, maintenant, encore une fois, c'est toi le boss, qu'est-ce que tu veux obtenir comme réponse? Qu'est-ce que pour toi, ces réponses vont t'interpeller pour aller dans quelle direction et quoi faire? Là, ça, si on retombe dans... Enfin, c'est pas retomber, c'est... Si on est dans le sujet opérationnel, c'est déjà pour commencer à tester l'imagination. Là, on est un peu dans le... Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir imaginer là-dessus, au niveau du jardin merveilleux? Eh bien, faut le dire. Il faut garder ce mot imaginer. Oui, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, tu as employé. Pour vous, jardin merveilleux signifie plutôt. Comment imaginez-vous votre jardin merveilleux? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Là. Oui, ça me prend bien. Comment imaginez-vous votre jardin merveilleux? Ouais, c'est bien ça. C'est bien, et puis on va... Tu sais ce qu'on va retrouver là? La petite Madeleine de Proust qui va... Et ouais, elle va ressortir là, non? Oui, je sais déjà... Enfin, je sais déjà un peu les réponses de certains, et on va voir s'ils sont restés là-dessus. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement et pas mal de choses à gérer... Les choses je sens les choses évoluer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a des notions de merveilleux qui sont en train d'évoluer. Mais dans quel sens? Dans le sens où finalement il y a des idées. Je pensais que c'était merveilleux, mais finalement c'est pas si merveilleux que ça. Le genre de choses. Je m'excuse, je te comprends pas. Ouais. Tu m'en dis pas assez ou trop mais... J'ai par exemple une Italienne qui dit moi le truc ça serait de retrouver ce que j'ai ressenti lors de ma visite au centre de la NASA. Bon. Elle t'a dit ça? Oui. C'est génial ça. Elle va dans les étoiles. Voilà, elle était dans les étoiles, elle a dit c'est trop bien, ça nous donne une idée de ce que l'on est, de notre petitesse. Et ceci étant, la NASA, c'était pas là, c'était quand même aux États-Unis. Et là, au niveau des voyages, elle est complètement confinée. Donc, là, je l'ai senti évoluer parce qu'elle a découvert que à côté de chez elle, il y avait des choses qui étaient aussi intéressantes. Voilà. Alors que c'était une personne qui était tout le temps en voyage, quoi. D'accord. Donc c'est quelque chose, j'ai découvert ça au départ, et je sens qu'elle est en train d'évoluer en la matière. D'accord, c'est intéressant. Oui. Eh bien, donnons-lui les moyens d'évoluer. Voilà, c'est ça. C'est un peu à la suite de ça que je me suis dit, oula, les questionnaires, je vais les laisser ouverts, accessibles, pour que les gens puissent y revenir. Non, mais tout à fait. Mais il était important, je dirais, de faire des suggestions dans le 1, d'être ouvert dans le 2, et maintenant, on en est dans le 2 au stade de l'imaginaire, et ben, je pense qu'il faut... Je pense que c'est le bon vecteur, si tu veux, pour interpeller les gens sur le jardin merveilleux, quoi. C'est la question d'après, quoi. Pourquoi ce jardin vous interpelle? Alors, comment tu l'as tourné, cette question du point 4? Là, on vient de dire, comment imaginez-vous votre jardin merveilleux ? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien. Moi, ça me va bien. Hein. Mmh. Ouais. Allez, point 5. Finalement, pourquoi le projet Jardin Merveilleux vous interpelle-t-il ? Il nous faut autre chose, plus ensoleillé, les hommes merveilleux, plus ensoleillé. Ah si. Allez. Et pour tous. Et pour tous. Il faut autre chose, plus ensoleillé. Alors, que seriez-vous prêt à faire de concret pour rendre ce jardin différent et pour qu'il s'adresse à tous et à chacun ? Ouais, mais alors là, on revient tout à fait dans l'opératif, là. Oui, ça c'était le, c'était la fin de notre discussion mercredi dernier. Ouais. C'est vrai que on était tout le temps dans le, enfin, toi tu tirais toujours vers le concret. Complètement. Voilà. Donc, on a mis cette, on a mis cette. Mais t'as compris pourquoi je tire vers le concret. Oui. Entre mon concret et ton divin, il y a quand même le doigt de Dieu et d'Adam, quoi. Hein, et l'espace est beaucoup plus grand que ce que même Michel-Ange a envisagé, quoi. Alors là, le truc, c'est que seriez-vous à faire de concret, c'était dans l'idée qu'on ne faisait pas de troisième questionnaire. D'accord. Sur la question d'engager. Donc, du coup, on rentrait dans le détail là-dedans. Mais alors, à rentrer, si on veut rentrer dans le détail et ne pas faire de question 3, à ce moment-là, il faut, comment dire ça, il faut contrôler les détails. Ouais. Tandis que là, en fait, c'est prêt à faire du concret pour rendre ce jardin merveilleux, il faut déjà donner des pistes, des choses sur lesquelles on ouais. attend un peu. Quoi. Mais ça peut être ton questionnaire numéro 3. Ça peut être le questionnaire numéro 3. Mais donc, tu vois bien que de façon subliminale, tu vas tout à fait dans le sens que je te proposais il y a un quart d'heure, 20 minutes. Alors, est-ce que le questionnaire numéro 3, du coup, on le détaille là-dedans ? Et ben voilà. Et, alors, j'en sais rien, on va regarder. On y va, hein ? Oui. D'accord ? Et on laisse ça en suspens, on y revient, hein ? D'accord ? Et on va dans le questionnaire numéro 3. Alors, voyons un peu, questionnaire numéro 3. Questionnaire numéro 3, le voilà. Ah ouais, il y a des choses qui m'ont un peu dérouté dans ton questionnaire numéro 3. Non mais... En préambule qu'est-ce que je vais faire ? On pourrait raisonner comme dans une entreprise. Bon, laissons de côté le préambule ou la présentation. Hein. D'accord. Comme on ne sait pas s'il va y avoir un questionnaire numéro 3, laissons ça en stand-by, il sera toujours temps. Par contre... intéressons-nous aux items que tu proposes. Quelles compétences... Oui, ce qui m'a dérouté, si tu veux, c'est que... je cherche... Quand tu poses une question, je cherche toujours à essayer de comprendre quelle réponse tu veux avoir. Exemple. Et le dernier point, c'est, en fin de compte, oui, exemple, je vais au point 6. Voulez-vous acquérir des compétences nouvelles ? Bon. Et ça, il me semble que tu l'as cité, les compétences nouvelles un peu avant, quoi. Les compétences que vous voulez développer. Oui, les compétences que vous voulez développer. Alors, pourquoi tu poses cette question ? Pourquoi tu ne laisses pas l'individu se répondre, disant, voilà, parce que qu'est-ce que ça peut te faire qu'il veuille développer ses compétences professionnelles ? Ou des compétences qu'il a mis en sourdine, ou qu'il veut développer, etc. Dis-moi pourquoi tu poses cette question. Je pose cette question suite à... j'ai fait le détail suite, après avoir lu l'article du philosophe Latour, qui disait, ben, est-ce que ce n'est pas l'occasion ou jamais de développer des choses que vous n'avez jamais osé ? Ah, d'accord. Développer. c'est-à-dire des choses qui ont été complètement dans la contrainte, qui sont passées à l'as. Ah oui, alors là je suis d'accord. Ça c'est une bonne question, mais il faut la poser dans les termes que tu viens d'évoquer. Parce que effectivement, on voit, alors si tu veux, là c'est un domaine que j'ai beaucoup étudié, ça. Et notamment dans le domaine associatif, où je bourlingue depuis les années 80, où tu vois des gens rentrer dans le domaine associatif parce qu'ils ont été déçus de leur parcours professionnel dans lequel ils n'ont pas été reconnus. Et ils viennent dans le domaine associatif pour obtenir de la reconnaissance. Oui. Et ceux-là, ils sont assez insupportables. ils sont mais vraiment insupportables, ingérables, etc. Donc ceux-là, à mon sens, il faut tout de suite les proscrire. Tu vois de quel profil je parle, de ces gens qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle accomplie et dans lesquels ils ont pu s'épanouir, quoi. Ils vont venir dans le domaine associatif pour s'y épanouir, mais comme ils s'y prennent mal, ben ils vont se faire rembarrer, hein, comme ils se sont fait rembarrer dans leur vie professionnelle pour les mêmes raisons. Alors, je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Ah oui, si. Comment c'était la tour, ce qu'il disait là? Parce que ça, c'est ça. Il disait est-ce que ça ne serait pas le moment de développer des choses des compétences que, un, vous avez peut-être et que vous avez dû mettre de côté à cause de votre engagement professionnel. Ou de développer des compétences que vous vouliez développer et que vous n'avez pas pu, parce que justement, vous étiez embarqué dans. Tout à fait. Ça me paraît, si tu veux, ça me paraît essentiel. Et ça me paraît tellement essentiel que j'en étais à regarder, si tu l'avais dit, dans le préambule, quoi, puisqu'on partait le questionnaire numéro 3 avec un préambule. Moi, ça, je crois que ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'ouvrir les portes de tout un chacun qui a du potentiel dans quelque chose qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas su développer jusqu'à maintenant. Oui. Ça me paraît bien, ça. Parce que si tu vas dans ce sens-là, tu mobilises une énergie qui va être entièrement acquise à ta cause. C'est un peu ce que j'essayais de présenter dans le préambule, c'est-à-dire non pas dans le potentiel, dans les questions de disponibilité, c'est qu'est-ce que je veux faire. Et mobiliser dans ce lieu. Voilà, c'est qu'est-ce que je veux faire. Oui, mais ça va mieux en le disant. Oui. Ce que tu as mis en caractère gramme va bien, hein, mais ça va mieux en le disant, en révélant, si tu veux, en révélant tout ce qu'on a laissé de côté, quoi. D'accord. On va mettre. Hein ? C'est une autre façon, en fait, de présenter. Moi, j'avais dit, ouais, bon, voilà. On pourrait raisonner comme une entreprise, etc. C'est-à-dire que ce sont des raisonnements qui existent déjà. Voilà. Mais là, pour sortir de ce raisonnement, qu'est-ce que l'on peut proposer? Voilà. C'est bien ça. Voilà. Bon. Alors, maintenant, donc, j'en reviens aux compétences. Tu vois où ça nous amène, hein? Toutes les questions un peu subliminales que tu poses, ça nous amène à une véritable introspection. Et on se croirait sur le divan du psychiatre. Ben oui, c'est ça. Les compétences professionnelles d'avant, il y en a qui diront rien. J'ai plus envie. Ben oui, mais justement, c'est pour ça. N'en parlons même pas. D'accord. Donc Moi j'en parle. Question 1. Question 1. Dans vos compétences professionnelles d'avant, non, je ne parle même pas. Dans les compétences que vous aviez mises en sourdine depuis quelques années, oui, voilà, bon, ben, ça rejoint à ce qu'on vient de se dire. Dans les compétences que vous voulez développer. Alors, est-ce que, dans, par exemple, le 1, on enlève le terme professionnel? Oui, oui, oui. Oui, oui. Dans vos compétences, quelles compétences voulez-vous mobiliser? Celles que vous avez laissées sous le boisseau? Oui, ou laissées en sourdine, quoi, voilà. Mais j'aimerais bien, moi, qu'on reprenne la phrase que tu m'as dite, là, parce que moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Bon, peut-être. Alors, les compétences mises en sourdine depuis des années, bah, ça fait double emploi avec ce qu'on vient de se dire. Hein. Et dans les compétences que vous souhaitez... Alors, moi, je mettrais dans les nouvelles compétences. D'accord. Tu comprends? Pour bien faire le distinguo. Alors, du coup, ça chante la question 6. Oui, ça chante la question 6. Tout à fait. D'accord. Par contre, on peut très bien laisser en Q1, 4, là, autre et explication. Ouais, si, oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont d'autres choses à dire. Et ceux-là, peut-être, t'en as peut-être qui vont te dire qu'ils veulent travailler sur leurs compétences professionnelles d'avant. Et là, ça va revenir. Donc tu laisserais les gens mettre dans autre explication les compétences professionnelles qu'ils pourraient mettre à disposition. Oui. Oui. Oui. Ah, question. C'est intéressant ce que tu dis là. Je reviens sur ce que j'ai dit. Non, je reviens sur ce que j'ai dit parce que tu as des tas de gens qui ont acquis un savoir professionnel qu'ils pourraient mettre au service de notre jardin merveilleux. C'est bien ça. Ouais, en tout cas, dans l'association ARIA, c'est un peu ça qui s'est passé. Bien sûr. Mais oui, on laisse ça, ouais, tout à fait. On laisse ça, mais on soulève le couvercle pour tout ce qu'ils ont enfoui là, pendant qu'ils avaient cette activité professionnelle qui était dévorante de tout, quoi. C'est ça. Hein? Moi, ce que je souhaite, c'est que moi, j'ai le gars qui vient de Suisse, qui a des compétences financières certaines là-dedans, mais qui, à mon avis, souhaitera en sortir complètement parce que ça l'a horripilé. Voilà. Oui, mais tu veux en faire quoi? Un comptable de l'association? Ah non, moi, je ne veux pas en faire. Je veux savoir ce qu'il veut. C'est là, c'est savoir dire, ben moi je voulais développer des compétences en jardinage, je ne sais pas moi quelles sont les compétences qu'il voulait développer et qu'il n'a pas pu. D'accord. Parce qu'il était phagocyté. D'accord. Et il n'est pas le seul, mais lui, il est très caractéristique. D'accord. Ah oui, bien sûr. Bon, ça va? On est au clair pour la question 1? Donc en fait, on reste sur ça finalement. Ouais, mais dans vos compétences professionnelles d'avant, ouais. Dans les compétences que vous aviez mis en sourdine depuis des années, je le développerais plutôt avec les mots que tu m'as donnés tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus parlant, quoi. Ça fait des phrases plus longues. ouais, non, mais... Ouais, on peut laisser mis en sourdine. Ouais, on peut laisser ça. Écarté, je sais pas. Non, mais mis en sourdine, ouais, allez. Dans les conseils. Oui, allez, on laisse ça comme ça. On touche pas. Mais par contre, dans le préambule, si préambule il y avait, il faudrait bien développer cet aspect-là qui. Je vais remplacer en fait le pourrait raisonner, etc., par se révéler tout ce qu'on a laissé de côté. Oui, voilà. Voilà. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. D'accord ? Allez, quel temps voulez-vous consacrer? Ah oui, ça, je n'ai pas compris. Quel temps voulez-vous consacrer? Dès aujourd'hui, demain et à quelle échéance? Autre explication. Il y en a qui... je ne comprends pas ta phrase, si tu veux, déjà. C'est un problème de sémantique. Alors, c'est, il y en a qui, tu vois la dernière qui a répondu, qui me dit en juillet je prends ma retraite. Ouais. D'ici là, elle est mobilisée au niveau professionnel, donc aujourd'hui, elle pourra dire, bah, moi pour les 6 mois à venir, là je ne peux pas, mais par contre, après. Voilà. Donc dès aujourd'hui, elle pourra dire rien. D'accord. Et par contre, sur la Q2-2, elle pourra dire, oui, à partir de tel mois, je pourrais faire ci ou faire ça, sachant qu'elle n'habite pas là-bas. Ouais. Alors, mais là, on est à gérer des délais. Oui. Alors que tu intitules ton propos, quel temps voulez-vous consacrer? Pour moi, le temps, c'est dans tel délai, 6 mois, je veux consacrer 3 heures par semaine à ci ou à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça que je comprenais pas. Mais ça serait bien qu'il y ait du temps aussi. Et qu'il puisse s'exprimer sur du temps. Il n'y est pas dedans. Tu ne l'avais pas compris comme ça. Ben non. Quel temps voulez-vous consacrer? Dès, pour moi, quand je lis quel temps, j'attends qu'on me donne des jours, des heures, des semaines, des ci, des ça. Oui. Ben, ça pourrait, dès aujourd'hui, c'est je peux donner 2 heures par semaine. Eh ben voilà, faut qu'elle puisse le dire. Mais il faut lui poser la question. Combien de temps et dans quel délai? Tu vois ce que je veux dire? Il faut... D'accord. Temps et délai, rajoute que tu te retrouveras la phrase qui va bien. Hein? D'accord. Ok. Quel matériel voulez-vous mobiliser? Alors ça m'a paru bizarre. Matériel que vous avez déjà, matériel que vous pouvez emprunter, matériel que vous voulez acheter, autre explication. Alors, j'aimerais, parce que j'ai pas compris, bon, quel matériel avez-vous déjà? Tu veux parler de la pelle et de la pioche? Bah oui, moi comment il s'appelle, la Gilbert qui est au-dessus, qui me dit, bah écoute, moi j'ai une débroussailleuse, une tondeuse, tu te sers quand tu veux. Voilà le truc. Alors c'est du matériel qu'il a. Alors je mettrais le matériel de jardinage. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que... D'accord, ok. C'est... Oui, mais c'est du jardinage, mais ça peut être un ordi, ça peut être j'ai une camionnette avec une remorque, j'ai... Tout à fait, d'accord. Je sais pas, mais... Est-ce qu'il faut donner des exemples, peut-être? C'est un peu ce que j'avais mis en vrac dans la présentation. D'accord. Idée en vrac pour quel matériel voulez-vous mobiliser? Alors, quel matériel voulez-vous mobiliser? Entre parenthèses, jardinage, véhicule, ordinateur. Ordinateur, ils ont tous un ordinateur. S'ils en ont pas, ils peuvent pas jouer, quoi. Mais jardinage véhicule .. Oui, voilà, jardinage véhicule .. Hein? D'accord. Oui. Alors, matériel que vous avez déjà, matériel que vous pouvez emprunter, matériel que vous voulez acheter. Ouais, autre explication. Bon, allez, ouais, d'accord. Quel service voulez-vous rendre? Ah, tirer de vos compétences solides, de vos possibilités actuelles et autres. Ah, ça c'est intéressant ça. Alors moi j'ai par exemple service, j'ai le topographe. Ouais. Tiré de ses compétences solides, la preuve c'est qu'il en vit professionnellement. Ouais. Donc il peut venir faire un lever. Tout à fait. Deuxième possibilité, j'ai une autre personne qui, comme Michaela a proposé d'accueillir. Ouais. Voilà. Donc ça, ce ne sont pas des compétences solides, ce sont des possibilités actuelles. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, d'accord. Ce sont deux exemples qui... Ouais. Non, j'essayais de... Si tu veux... Que la question soit plus terre-à-terre, quoi. Qu'on la comprenne plus vite. D'accord. Donc c'est plutôt de... Alors, entre parenthèses, tirer de vos compétences solides, entre parenthèses, quelque chose... exemple, quoi. Oui. Oui. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit immédiatement compréhensible. Oui. C'est un problème. Ah. Le problème là-dedans, c'est que ça rajoute du texte à lire. Et c'est vrai que... Oui, mais... si tu veux avoir des réponses... Oui. C'est l'occasion ou jamais, quoi. Oui. Hein? D'accord. On va mettre exemple... Mettre, je vais mettre exemple à mettre. Pareil ici. Hein, d'accord. Ok. Alors, après, quel retour attendez-vous d'une telle initiative? Ah! Voulez-vous acquérir des compétences nouvelles? Bon, ça, on a alors dit, ça, on l'a viré. Ça. Quel retour attendez-vous d'une telle initiative? Et t'as laissé vierge 1 et 2. Oui, j'ai mis 1 et 2, mais je ne savais pas trop quoi mettre derrière. Je pense que c'est bien de poser la question. Parce que... Il y a des attentes. Il faut pouvoir les exprimer. Quoi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien, mais il n'y a pas de 1 et 2. Il y a un champ libre, là, pour s'exprimer. D'accord. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi, je suis d'accord. De toute façon, je ne savais pas quoi mettre dans le 1 et 2. Alors. Bon, voilà. D'accord. D'accord ? Alors, on met un beau champ libre, là, ils vont pouvoir dire quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que ça se... Attends. Quel retour attendez-vous d'une telle initiative? N'oublions pas que les items au-dessus les embarquent dans de l'opératif. Mm. Est-ce que tu attends une réponse opérative ou spéculative ou autre? Parce que là, Alors, est-ce que cette... Moi, j'attendais plutôt de l'opératif, puisqu'on était en plein dans l'opératif. Là. D'accord. Parce que, le retour spéculatif, il est déjà dans le questionnaire numéro 2. D'accord. Ok, ça va. Ok, voilà. Ok, d'accord. Non, c'était juste... Moi, j'aime bien reposer les questions, oui. De façon à ce que... Voilà, bon, c'est cohérent, hein, ce que tu dis. Et là-dessus, je pense qu'il va y avoir un petit peu redondance avec d'autres questions du questionnaire numéro 1, par exemple, les amis, hein, puisqu'il y a un endroit, c'est accueillir les amis. Oui. Voilà, ouais. Ça peut être quelque chose comme ça qui permet de vérifier qu'on est toujours dans dans la même mouvance. Oui, voilà. Tout à fait. Très bien, d'accord. Ok. Bon, alors, maintenant, question. Est-ce que ce questionnaire numéro 3 se justifie pleinement? Est-ce qu'on le laisse comme tel ou est-ce qu'on le raccorde aux deux? Où t'en es, toi, là, maintenant? Tu maintiens toujours ta position? Je suis repassé dans le 2. D'accord. Et toujours à me poser la question, où est-ce qu'on va pouvoir mettre ça? Ah, ouais, mettre enfin, ça, ça c'est... 6 m'engager. Oui, non, mais c'est là. Hein. Ouais. Si on le met, c'est là. Bon. Moi, ça me dérange pas que... ça me conviendrait aussi qu'on mette tout ça dans le 6. Dans le 6. Dans le 6 m'engager. En détail. Ah, d'accord. Donc, on supprimerait le questionnaire numéro 3... qui les questions rejoindraient le questionnaire numéro 2, c'est bien ça? Voilà, alors ça c'est ce que tu suggérais, Claire. Moi c'est ce que je te suggère depuis le départ. Mais attends, pour être plus franc, et plus franc, je n'ai pas été, mais plus clair, pour être plus clair, pour moi, si tu veux, dans les questions que tu posais, à chaque fois, il y avait les deux voies possibles, opératives, spéculatives, sur chaque question, si tu veux. Bon, ça, c'était mon la façon dont j'appréhendais les choses, j'appréciais les choses. Voilà. Maintenant, j'ai évolué, et je pense très bien que le questionnaire numéro 3 peut trouver tout à fait sa cohérence dans le numéro 2. Mais par contre, il faut l'expliquer un peu. Oui, c'est ça. Hein, il faut le dire. Il faut le dire parce que les gens, tu les brutalises, mais faut pas aller trop loin, quoi. Donc, dans la question numéro 6, tu auras un petit paragraphe expliquant ce qui est en gros demandé, ou alors est-ce que je mets ça dans la présentation, tout en haut. Alors, la présentation. Alors, on revient à la présentation. Du 2, tout à fait. Dans cette présentation du 2, mon sentiment, c'était que le préambule devenait... plutôt que la partie en italique étant une phrase de synthèse. Ah non, attends, qu'est-ce qu'on avait dit là? On a dit qu'on supprimait le préambule et qu'on mettait ce qui était en présentation dans le préambule. Oui, c'est ça qu'on avait dit. C'est ce que j'ai fait. Oui, mais attends, on fait une bêtise. Parce qu'on a bien dit qu'on supprimait les questions en italique. Non, la phrase de synthèse. Alors. Alors, si en fait, la phrase de synthèse, c'est plutôt, ça a été... On fait une vraie phrase de synthèse sans pourcentage, c'est ça? Voilà, on fait une vraie phrase de synthèse... Sans pourcentage. Sans pourcentage. D'accord. En mettant au départ, pour plus de détails, lien vers le... C'est ça, voilà. Exactement. Très bien. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, ça. Voilà. Et ça, le lien, tu vas le mettre sur le site. Hein? C'est ça. D'accord. Ça me va bien tout ça. Bon, alors par contre, tu posais la question de savoir si dans le préambule, on faisait état du... Oui, dans le préambule, tu as la partie en italique, etc., etc., etc. Tu conserves ton mail pour leur laisser t'écrire s'ils veulent aller au-delà. Ça me paraît très pertinent. Et après... tu peux leur dire, eh ben voilà, peut-être que jusqu'à présent vous avez laissé couver sous le boisseau vos énergies et vos ci et vos ça. Hein? Ce qu'on avait pensé pour le questionnaire numéro 3, ben on fait juste une ou deux phrases. Voilà. Oui. Comme ça, tu restes cohérent. Il n'y a plus de questionnaire numéro 3. Et puis, il faut penser aux gens aussi, si tu veux, parce que plus tu les sollicites, plus ils traînent la patte pour te répondre, quoi, hein. Et c'est pour ça qu'on les embarque. Moi, ça me va bien parce que on les embarque pour une vraie réflexion à la fois personnelle, à la fois philosophique, à la fois peut-être religieuse. Et après, on leur demande de rentrer dans le concret, vous dire, voilà, maintenant, vous nous avez dit tout ça, maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour que ce tout devienne réalité, quoi. On peut peut-être le dire comme ça, même. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une entrée en matière, et puis après ça, passage à l'action. Voilà. Ouais, vous avez été sympa, vous nous avez répondu, ben maintenant, voilà, on passe du dire au faire. Hein? Un truc comme ça, quoi. Bon, il y en a qui vont se poser des questions. Ouais, alors le confinement... Ah non, mais, alors, attends. Le confinement, d'abord, on parle plus de confinement, puisqu'on est dans le déconfinement. qui va peut-être nous amener à nous reconfiner si on va trop vite. Oui. Comment ça se passe à Strasbourg? Bon, à Strasbourg, c'est surtout qu'il y a des élucubrations depuis le discours de Édouard Philippe hier. Il y en a qui commencent à se mobiliser, alors que on est surtout dans le milieu enseignant. Hein. Ça va être bien compliqué. Voilà. C'est sûr que ça soit compliqué, mais encore une fois, si tu veux, on va se retrouver devant deux catégories. Il y a trois catégories de personnes, quoi. Des enseignants proprement dit qui auront, pour parler vulgairement, des couilles au cul et qui vont y aller. Et d'autres qui vont se planquer parce qu'ils ne veulent pas rentrer en phase de risque, chose qu'on peut comprendre et qui est aussi compréhensible. Et puis, surtout, moi, je pense à tout ce petit personnel qui gravite les appariteurs et autres personnels de cantine et autres, là, qui se posent des tas de questions, quoi. Et à qui on n'a pas encore apporté vraiment, me semble-t-il, suffisamment de réponses. Non, je me trompe ou... Oui, tout à fait. En fait, personne ne sait exactement. Il y a des gens qui commencent à prendre position, mais comme de toute façon, il y a des supérieurs qui n'ont pas encore parlé, et quand ils parleront, tout ce qui est en fait défini à la base va sauter. Donc, pour l'instant, c'est du blabla, il n'y a pas grand-chose, quoi. Juste que on aimerait bien avoir de temps en temps quelqu'un qui calme un peu les affaires. Le calme ici, c'est le silence. Oui, mais ça veut dire quoi, quelqu'un qui calme les affaires? Ça veut dire quoi? Quelqu'un de suffisamment sage et reconnu comme tel pour... Avec suffisamment d'autorité pour pouvoir dire, d'autorité. Écoutez, pour l'instant, vous continuez comme vous faisiez avant. Et on vous tiendra au courant sur les positions. Et tant que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça, voilà. Il y en a qui se prennent déjà des initiatives qui sont un peu qui posent problème parce qu'en fait elles engagent les autres sans leur avis. Donc ça va pas, quoi. Du coup là on a une directrice qui a pris déjà les devants et qui commence à poser des questions et à imposer certaines choses. Elle s'est fait jeter par la majorité des enseignants de l'école. Donc, je pense qu'elle est retournée dans sa sagesse initiale. ça va un peu trop vite, quoi. Ouais, ça va trop vite, mais moi, je trouve l'expérience suffisamment enthousiasmante, avec toutes ces inconnues, avec toutes ces peurs, avec toutes ces réflexions, toutes ces bêtises, tout ça, mais moi, je n'ai qu'un seul objectif, moi, dans tout ça, c'est de savoir, une fois qu'on aura vécu ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va être suffisamment sage pour pas reprendre les bêtises d'hier? Est-ce qu'on va être suffisamment sage pour reconstruire un monde dans lequel, eh bien, on est de la pérennité, on est de un monde pérenne, quoi? Est-ce que on va s'inscrire dans une économie de sagesse, ou est-ce que on va continuer dans ces errances qui nous mènent nulle part et dans lesquelles on va dans le mur? Voilà. Et ça y est, tu as dit. Ouais, mais oui, j'ai dit, mais non, parce que je réfléchissais, puisque je sens que tu as envie de parler du coronavirus dans ton préambule, à dire quelque chose comme ça, quoi. À dire que, on vit un monde complètement perturbé, fou, flou, etc. Est-ce que on peut créer un vrai jardin dans lequel, eh bien, on est de la pérennité, on puisse emmener nos familles en toute sérénité et donner à nos enfants un vrai devenir, quoi. Ça, je l'avais pas, pensé dans le préambule, puisque j'avais, puis je te l'avais fourni, hein, la lettre Jardin Merveilleux 4, que j'ai reprise d'ailleurs. Jardin Merveilleux 4. JM 4, oui. Mais j'ai jamais vu ça. Hein? Peut-être que dans ma rage, je t'ai boycotté, ça c'est possible. Mais c'est, elle date d'il y a 15 jours, donc tu, non, il y a 10 jours. Donc tu l'as sans doute mise quelque part, mais je te l'ai envoyée, mais je te l'ai envoyée avant même le mercredi dernier, puisque tu m'as dit on va suivre l'ordre du jour plutôt de ça. Mais c'était en fait dans le même mail que je t'avais mis derrière. D'accord. En fait, la proposition de lettre que je n'ai pas envoyée, que j'ai reprise. D'accord. Où je mets justement, est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on peut penser avoir autre chose, voilà. Moi, je pense que ça, c'est un très beau préambule à ton questionnaire numéro 2. Le préambule, le problème, c'est que je ne voudrais pas mettre trop de trucs à lire. Mais sans mettre trop de trucs à lire, mettre celui qui va passer du temps à te répondre dans de bonnes perspectives. Mettre dans la situation de réponse bien, quoi. Oui, mais dans des bonnes perspectives, quoi, qui vont donner un vrai sens. Voilà. D'avoir une vie qui a un vrai sens. Et la vie qui a un vrai sens, eh ben on a l'occasion d'aller à la rupture, quoi. Alors, on va peut-être la citer, cette rupture. Mais on est en pleine rupture. Donc, faisons cette rupture et puis construisons-nous un jardin d'Éden, quoi. C'est ça. Mais j'avais pas déjà mis ça dans le questionnaire 1, il me semble. Hein. C'est possible, je sais plus. Mais je vais, d'accord, je vais mettre ça. Ça risque, le problème, c'est ça va être un peu la longueur du texte. C'est-à-dire, il y a d'une part la présentation de la partie spéculative du questionnaire 2, puis la présentation des compétences et activités opératives qui ont été laissées pour compte pendant toutes ces années. Et puis là-dessus, en fait, on vient aussi en remettant en fait l'idée de départ. C'est intéressant aussi de remettre toujours l'idée de départ pour remettre les gens dedans. C'est ouais, sûr, hein. Ouais. Alors attends, parce que là, tu es en train de poser une question. Je vais retourner au préambule du 1. Il faut que je le retrouve, le préambule du 1. Je vais sur le site, carrément. Tu l'as mis sur le site, le préambule du 1? Ben, il était sur le questionnaire, en préambule du questionnaire. J'avais mis le jardin merveilleux est un projet collaboratif dont l'objectif est de sortir d'un modèle de civilisation qui a montré ses limites pour entrer dans une autre dynamique. Très bien. De recréation d'un bonheur non matérialiste, ne tenant ni à l'argent ni au pouvoir politique. Oui, tout à fait, je me souviens bien maintenant. Bon. C'est ça. Je me souviens bien. Bon. Alors, peut-être que tu peux suivre l'actualité et dire que maintenant, eh bien, là, on est dans le lâcher-prise. On est dans... ce déconfinement, c'est un lâcher-prise. Hein. Et ce lâcher-prise, eh bien, nous autorise à penser qu'on fera un monde meilleur demain que celui qu'on avait hier, quoi. Et tout en restant dans l'actualité, tu restes au-dessus de la mêlée et derrière, tu interpelles ton auditoire, tu lui dis tu es dans le coup, quoi. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Bon, on a reformulé tout ça. Voilà. Bon, on peut à nouveau échanger là-dessus. C'est pas un souci. Bon, alors, d'accord. Ça va? Bilan de l'affaire, je reprends le « On ne fait qu'un questionnaire » numéro 2. Tout à fait. Dans le préambule, je remets l'idée de départ actualisée au prochain déconfinement. Oui, bon. Tout à fait. Je présente la partie qui a une partie spéculative qui peut être développée si on bosse si besoin à travers un mail. Que si on veut plus de détails, il y a les réponses de questionnaires qui sont sur le site, à tel oui. lien. Oui. Et que en fin de questionnaire, vous avez la possibilité de développer la partie concrète, l'opérationnel. Voilà. Voilà une bonne synthèse. Alors, maintenant, donc on en reste là. Donc j'attends ton... la proposition. Ta proposition. On est bien d'accord qu'on laisse toujours notre tableau de Michel-Ange ? Oui. Complet. Moi, je t'avais proposé de mettre Adam, puis ensuite Clément. Ouais. Ceci étant, ce n'est que le deuxième questionnaire. J'aurais peut-être mis par-dessus Adam une ellipse mentionnant qu'on raisonne à notre niveau, là. C'est-à-dire qu'on est sur Terre. Ah. Voilà, là, tu viens de faire un grand pas, là. non, laisse rêver. On laisse comme ça. Oui, laisse rêver. Et puis, d'un autre côté, tu es cohérent en matière de communication. Voilà. Ce tableau-là, ben, c'est ça qui va suivre tout au long... c'est ce qui est au-dessus de nous, tout au long de la démarche. C'est comme ça que tu me l'as vendu, hein. Oui. Hein. Voilà. Et donc, ben, une fois libéré de ça, moi, ce que je souhaiterais, c'est que tu te repenches un peu sur le site. Alors, tu auras peut-être besoin qu'on en reparle, bon, mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu, parce que, donc, si j'ai bien compris, tu es un peu... t'es un peu sec en ce moment par rapport au site, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Bon, eh ben, notre prochaine rendez-vous de la semaine prochaine, eh bien, on reparle du site et puis on active ça, quoi. En un mot, il faut questionnaire, site et toutes les idées qui te passent par la tête, eh bien, qu'elles soient sur ce site et que tu puisses t'en servir comme d'une référence. Mmh. Parce que tu demandes aux gens de t'écrire, ok, bon, mais toi tu peux leur dire, mais attention, nous, moi j'ai déjà parlé de ci ou de ça à tel et tel endroit. Mmh. Il faut alimenter le site, il faut lui donner plus de pertinence. Et je pense que ton cheminement d'aujourd'hui te permet d'avoir de la pertinence demain. Oui. Bon, je vais voir. Bon, déjà, je m'accroche sur le questionnaire. Questionnaire. Attaché. D'accord. Je vais déjà faire ça, ne serait-ce que demain. Voilà. Je te mets, moi, dès que c'est fini, qu'on a fini d'échanger dessus, je te le mets en musique. Hein. D'accord. Et puis après, on travaille sur le site. Parce que là, il y a ton merveilleux, il va être là. Mmh. Ok. D'accord. Bon, on en reste là. Ça marche. Allez, salut mes amitiés, à Sylvie, passez du bon temps et soyez prudents. Oui, tendresse à Michaela aussi, elle m'a envoyé son pot de muguet, un peu à l'avance. Ah bah oui, non mais ça c'est notre homme de ménage qui nous a amené ça. Ah. T'as vu un peu ? L'homme de ménage qui amène à Michaela son petit pot de muguet. Moi, je vais te dire ce que je vais faire, c'est qu'on a au jardin à Strasbourg, on a en fait tout un petit massif de muguet. Je vais aller faire une photo, je vais vous l'envoyer. Et ben voilà, bah, écoute, je te mets dans la confidence, l'anniversaire de Michaela, c'est le 1er mai. Ah. Voilà. D'accord. À toi de jouer. Allez, merci. Je vous laisse tous les deux. Salut. À bientôt, au revoir. Au revoir.